Mais qu'est-ce tu veux que je raconte d'autre que ce que je suis? Ce que l'on est, ou ce que l'on fait, ou ce que l'on vit. C'est pas simple tous les jours, je veux pas te raconter d'histoire. Pour certains c'est même dur de fermer les yeux tous les soirs. Antidépresseur illicite, mais l'amnésie facilite l'oppresseur illicite. Au fond du goût, vas-y lutte, putain. Périclite, l'homme et son esprit réparti, affûté mes réflexions assoupies. Perception réelle anéantie, haine contre les lentilles. L'intuition humaine mène à plus être Gandhi. Rancune contre une institution qui laisse orpheline une génération mutine contre une sédition maligne. Tristesse d'une postérité pleine de noblesse. L'aspérité de caractère, est-ce une faiblesse? Un combat perpétuel, en France et guérilla. Fort d'une âme de guerrier, gars, on forme une guérilla. Un son pour ceux qui ont essuyé une âme de guerrier. Mais qui sans cesse ont gardé l'âme des guerriers. La tête droite, droite, fière, c'est l'art des guerriers. Le cœur empastillé, l'âme de guerrier. Un son pour ceux qui ont essuyé une âme de guerrier. Mais qui sans cesse ont gardé l'âme des guerriers. La tête droite, droite, fière, c'est l'art des guerriers. Le cœur empastillé, l'âme de guerrier. Paraître de mes semblables, somme tout être indéniablement friable, simplement faible, affable. Loin de l'être, je fais mes armes dans les contestations et mes lettres dans les larmes. Et mon être pleure son impuissance devant tant d'horreurs. D'âme qui erre sans but après tant d'erreurs, peu acquiert. Certains acquiescent, d'autres encaissent la faiblesse de gens qui sur la pauvresse encaissent le diablesse. Est-ce là où le bas blesse, où l'âme pure se transforme doucement en diablesse? Où l'on se déforme la vérité, naviguant en eau trouble, erroné car trop onéreux. Où le banquier tremble, une vie au visage maussade, à laquelle on cherche un intérêt, où tout intérêt est en cascade. Le nez hors de l'eau, début de la prospérité. Faut lutter, l'âme des guerriers. Un son pour ceux qui ont essuyé une âme de guerrier. Mais qui sans cesse ont gardé l'âme des guerriers. La tête droite, droite, fière, c'est l'art des guerriers. Le cœur empastillé, l'âme de guerrier. Un son pour ceux qui ont essuyé une âme de guerrier. Mais qui sans cesse ont gardé l'âme des guerriers. La tête droite, droite, fière, c'est l'art des guerriers. Le cœur empastillé, l'âme de guerrier. Le moins possible t'exposer, tout peut t'exploser. C'est pour ça qu'aujourd'hui je viens se t'exposer. Donne du bonnet, une nouvelle version. Un lascar franc, pas besoin de conversion. Si t'es triste, faut combattre, rien lâcher, se battre. Si t'as qu'une vie de shit, créons des attraits. Un son pour ceux qui ont des larmes de rage au bord des yeux. Un son pour ceux qui ont peur du regard lancé du bord des cieux. Sachant qu'ici c'est plus simple d'être des mondanges. On vient de là où avoir du pognon démange. Mais dès le départ, pas tous la même chance. La faute, soi-disant à une étoile sous laquelle serait né un autre. La roue de l'infortune ou comment faire tourner les astres. Rêve fantasque ou masque les désastres. Une vie triste, des larmes de guerrier. De l'âme de guerrier, l'art, c'est l'arme des guerriers. Un son pour ceux qui ont essuyé une âme de guerrier. Mais qui sans cesse ont gardé l'âme des guerriers. La tête droite, droite, fière, c'est l'art des guerriers. Le cœur empastillé, l'âme de guerrier. Un son pour ceux qui ont essuyé une âme de guerrier. Mais qui sans cesse ont gardé l'âme des guerriers. La tête droite, droite, fière, c'est l'art des guerriers. Le cœur empastillé, l'âme de guerrier. L'âme des guerriers, l'âme des guerriers.